On renaîtra de nos cendres après les défaites, quoi qu'il arrive. Même si la vie veut nous descendre, on est armés. Hey, j'attends rien du tout, moi. M'en fous de le rendez-vous pour faire mes sous le bois. J'fais plus confiance à mes sources, yeah. C'est ça, tu vas être une star du ghetto. Un conseil, arrête le rap ou tu finiras sous un préau. Tu crois quoi, Renoir? Un rappeur dans un cimetière, c'est un rappeur au McDo. Tout le monde veut rapper home, y'a que des gros pis au micro. Écoute le son du Queens, le son des attaques du Bronx. Dans ma ville, y'a pas de prince. Y'a personne qui palpe comme 50 ou Jay-Z en France. En haut de l'affiche, y'a forcément une chute et des portes qui grincent. Petit, faut pas que tu te défonces. La vie est un long fleuve de la flûte, faut pas que tu t'enfonces. Faut pas me lâcher dans la nature. Dramaturge, un soldat inconnu, toujours décoré par ma légion. Y'en a marre de faire la sale guerre sans munitions, toujours déterre nos histoires, un récit de faits divers. Après les défaites, on renaîtra de nos cendres sous les brasiers et les hyènes. Résistance palestinienne, des pansements pour soigner nos troubles. Après la déroute, la troupe t'arrache la coupe pour venger mes pauvres. On jette pas de bouteille à la mer, des favelas on émerge en se matant. Et c'est naufrage assurément. La merde au cou, résidu de peau jusqu'au coude. Conduite en état d'ivresse, évite la hnouche. Ils disent qu'on se la fout de la merde. Elle traînait dans les sales affaires, embusquée dans les bas de la sphère. Robuste et dur de la tête, marche avec mon clan. Et peu importe le temps, jamais le retour de ma veste. La l'esprit de la rue dans les gestes. Du rap pur, l'esprit de la rue dans les gènes. Impitoyable dans la noyade, froid, corps et loyal. Mon sang ambiant, c'est par les vapeurs d'ailleurs. Pour ceux qui se tapent pour mieux crayable. Ouais, la mélodie est dark, belle et plaque comme Ramaya. Engagé sur la bande de mes PG. Le monde est trop stressé, en guerre jusqu'au décès. Jamais de garde baissée, du temps pour encaisser. La vie nous a blessés, trop dur de l'empêcher. Finira comme Jeanne d'Arc sous les flammes de nos bugés. Masqué au guichet, sensible au charme de nos clichés. Après les défaites, on renaîtra de nos cendres sous les brasiers et les hyènes. Résistance palestinienne, des pansements pour soigner nos troubles. Après la déroute, la troupe t'arrache la coupe pour venger mes pauvres. On jette pas de bouteille à la mer, des favelas on émerge en se matant. Et c'est naufrage assurément. La merde au cou, résidu de peau jusqu'au coude. Conduite en état d'ivresse, évite la hnouche, ma cause. Je reviens toujours sur le lieu du crime. Index, tu connais mes origines. Côte meurtre, les flics harcèlent ma team. Pendant que les traders détournent des milliards de centimes pour nous. Y'a du social ou devenir alcoolique anonyme. Des fausses histoires. Les Arabes, les Charles Martel, ils ont oublié deux ou trois épisodes dans leur manuel. A chacun ses vérités. Quand les nuits s'achèvent, mes nuits sont longues. Je cogite car mes dents sont longues. Après les défaites, on renaîtra de nos cendres sous les brasiers et les hyènes. Résistance palestinienne, des pansements pour soigner nos troubles. Après la déroute, la troupe t'arrache la coupe pour venger mes pauvres. On jette pas de bouteille à la mer, des favelas on émerge en se matant. Et c'est naufrage assurément. La merde au cou, résidu de peau jusqu'au coude. Conduite en état d'ivresse, évite la hnouche, ma coude. Après les défaites, on renaîtra de nos cendres sous les brasiers et les hyènes. Résistance palestinienne, des pansements pour soigner nos troubles. Après la déroute, la troupe t'arrache la coupe pour venger mes pauvres. On jette pas de bouteille à la mer, des favelas on émerge en se matant. Et c'est naufrage assurément. La merde au cou, résidu de peau jusqu'au coude. Conduite en état d'ivresse, évite la hnouche, ma coude.